Voltaire est incontournable dans ce genre littéraire qu'est l'histoire, aussi bien par les œuvres d'histoire qu'il a écrites que par tel ou tel principe de base qu'il a posé. Ainsi, on pouvait lire dans un hebdomadaire en octobre 2013: La France a une tradition unique de l'écriture historique pour un public relativement large qui remonte à Voltaire.